Selon les informations sud-coréennes, les bellicistes sud-coréens s'adonnent frénétiquement aux exercices militaires contre le Nord, de pair avec les forces étrangères. Le 24 courant, la deuxième flotte de la marine sud-coréenne a livré les exercices mobiles maritimes conjoints avec la troupe d'hélicoptères d'assaut de la deuxième division de l'armée américaine à la mer de l'Ouest de Corée. Y ont été mobilisés toutes sortes de navires et d'hélicoptères. Par ailleurs, les forces aériennes sud-coréennes et la 7e aviation américaine ont lancé à partir du 23 des dizaines d'aviations militaires telles que hélicoptères, AVACS, avions citernes au-dessus de la région Est, notamment la province du Gangwon de Corée du Sud, pour les exercices militaires d'accomplissement de la mission opérationnelle dans nos espaces aériens sous couvert de sauvetage des pilotes. Ces exercices militaires sont prévus jusqu'au 3 février. Précédemment, du 20 au 22 courant, les bellicistes sud-coréens ont effectué les exercices pour le partage des renseignements et l'alerte des missiles avec les navires américains et du corps d'autodéfense japonais. Ainsi, les autorités militaires sud-coréennes s'adonnent témérairement au renforcement des armements d'agression et aux préparatifs de guerre. Elles prévoient de finir cette année, 2 ans avant terme, la formation de la brigade de mission spéciale pour éliminer la direction nord en temps de guerre, publie largement ce projet à la presse et nous lance des défis. Elle prévoit également d'importer cette année une dizaine d'armements, comme le drone de reconnaissance au rang de division et navire d'escorte, et s'affaire également à introduire des États-Unis le missile SM-6. Le 17 courant, elles ont décidé d'importer de l'étranger une dizaine d'hélicoptères d'opérations maritimes pour la détection et l'attaque des sous-marins.